Le donjon de Virloup, mœurs forestières, par André Theuriet. Chapitre 1er. Une claire matinée de juin. Du fond des grands bois qui entourent Aubrive, la vagabonde chanson du coucou arrivait jusque dans les maisons du village. Ce refrain printanier et mystérieux pénétrait par bouffées dans le sombre bureau du receveur des domaines et donnait de notables distractions à un petit commis de 12 ans, aux cheveux blonds ébouriffés, au teint semé de taches de rousseur et à la blouse bleue trop courte. Ce Gachenet, occupé à transcrire sur un in-folio à couverture verte les renseignements contenus dans un registre du même format à couverture rouge, mordiait sa plume et balançait nonchalamment ses jambes en suivant le rythme lointain de la chanson du coucou qui lui suggérait des rêves d'école buissonnière et de nids dénichés au fond des combes. Tout en musant, il épiait du coin de l'œil le receveur, enfoncé dans son fauteuil de cuir et absorbé par la lecture d'un acte difficile. Au moindre mouvement de dos de son patron, le jeune drôle se hâtait de griffonner 2 ou 3 lignes, puis se remettait à lorgner la fenêtre ouverte, dans la baie de laquelle s'encadrait un paysage ensoleillé. Entre 2 champs de trèfle en fleurs, un chemin fuyant tortueusement vers une lisière bordée de poiriers sauvages, et au-dessus, la fraîche épaisseur de la forêt moutonnante. Sur ce fond lumineux, et comme pour faire repoussoir, se détachait le profil dur et sans lueur de M. Stache Février, un front plissé sur lequel des cheveux grisonnants et rebelles se dressaient en brosse, un regard voilé par le vert bleu des lunettes, un nez sévère, des lèvres pincées et un menton orné d'un collier de barbe poivre et sel. Le reste du personnage disparaissait dans la profondeur du fauteuil et de la table encombrée de paperasses. Les mains seules étaient visibles, tournant les feuillets de l'acte et les maintenant à hauteur de l'œil. 2 mains sèches, aux phalanges noueuses et aux doigts courts, aux ongles coupés à fleur de peau. 2 mains froides et sans grâce, indiquant un caractère méthodique, inflexible, absolu. La physionomie du bureau était en harmonie avec la figure du receveur. Des rayons noircis revêtant les murs du haut en bas étaient chargés de vieux volumes à mine maussade. Sommiers, tables, registres, soigneusement étiquetés, et symétriquement alignés. Pour tout mobilier, des casiers enfumés, une armoire peinte à la détrempe et 5 ou 6 chaises dépaillées. Sur l'une d'elles, un griffon hors d'âge sommeillait paisiblement, rivé à son siège par une ficelle nouée au barreau, et dans une encoignure, une petite horloge sans sonnerie battait les secondes avec un bruit sec. Ce balancement régulier, un soupir du chien, un grincement de plume, rompait seul le silence endormant de cette pièce qui exhalait une vague odeur de vieux papier et de sciure de bois. Au dehors, en revanche, des gloussements de poules, un meuglement de vaches, le marteau d'un ferblantier du voisinage, le roulement d'une charrette sur la route et surtout la lointaine musique du coucou formaient un concert de notes gaies qui disait le beau temps revenu, la joie de la vie en plein air et faisait bâiller de désir le petit commis attelé à son ennuyeuse besogne de copiste. Tout à coup, la porte du bureau s'ouvrit bruyamment, donnant accès à un personnage dont la brusque apparition arracha un sourd grognement au griffon, écarqua les yeux bleus du Gachenet et fit pivoter M. Février sur son fauteuil. C'était un grand beau garçon de 28 à 29 ans, brun, large d'épaule, svelte de taille, supérieurement musclé et râblé. Le carnier au dos, guêtré jusqu'aux genoux, coiffé d'un feutre mou aux cassures pittoresques, vêtu d'une veste de chasse dont le velours côtelé avait pris à la pluie et au soleil de jolis tons feuilles mortes, il ne laissait pas d'avoir fière mine en dépit de son rustique accoutrement. Son nez d'aigle et ses mains hâlées, fines et nerveuses, étaient de race. Ses yeux couleur café dardaient droit devant eux un regard clair, franc et hardi. Une expression demi-railleuse entr'ouvrait ses lèvres sensuelles et montrait 2 rangées de dents blanches et gourmandes. Sa barbe châtaine, mal taillée, mais touffue et frisée, s'harmonisait à merveille avec son teint bistré. Il souleva négligemment son feutre en entrant, tira de son carnier un papier timbré, roulé en chiffon, et s'adressant à M. Février. « Vous êtes le contrôleur ? » demanda-t-il d'une voix chaude et sonore. « Oui, » répondit le receveur d'un ton rogue d'un bureaucrate qu'on dérange. « Alors c'est vous qui m'avez envoyé ceci ? » reprit le nouveau venu en jetant dédaigneusement le chiffon de papier sur le bureau. Le receveur déplia soigneusement le papier timbré, regarda à l'un des angles de la feuille, interpellant le petit commis. « Numéro 165 du sommier des amandes. » fit-il d'une voix brève. Le gâchenet empoigna un des volumes à couverture verte, le feuilleta rapidement, et tout à coup se mit à bredouiller d'un ton d'écolier. « Numéro 165, jugement du tribunal correctionnel de Langres, rendu par défaut le 20 janvier 1852 contre le sieur Jean Santenauge, sans profession, à Virloux, commune de Pralay, portant condamnation pour délit de chasse dans la forêt domaniale de Maigrefontaine à 100 francs d'amende et aux frais, plus la confiscation du fusil ou 50 francs pour tenir lieu, total 210 francs 25. Il y a signification et commandement, ajouta le commis. Le jeune homme avait écouté cette lecture sans sourciller. Quand elle fut finie, je vous ferai remarquer, dit-il au receveur d'un ton à la fois bon enfant et goguenard, que je m'appelle Deux Santenauge. Mon nom étant à peu près tout ce que je possède, je tiens singulièrement à ce qu'on ne m'enlève pas la moindre parcelle. Possible qu'on se soit trompé en copiant, repartit laconiquement le receveur. Du reste, cette erreur ne se reproduira plus, car j'espère que vous venez vous acquitter. Nelly, monsieur le contrôleur, je suis monté en passant tout simplement pour vous prier de ne plus m'envoyer de papier timbré. C'est peine inutile et je n'ai pas le premier liard de ce qu'on me réclame. C'est bon, répliqua aigrement monsieur Février. Tous les délinquants chantent la même chanson, mais nous avons pris des renseignements. Vous possédez une maison et du mobilier à Virloux. On vous a mal renseigné. Je n'habite Virloux que comme locataire, ayant tout vendu il y a plus de 5 ans à mes créanciers. Le notaire de Longeau vous montrera l'acte quand vous voudrez. Où il n'y a plus rien, le roi perd ses droits. Le fisc aussi, je suppose. Monsieur Février mordit à un moment ses ongles d'un air déconfit. Le peu de déférence de ce singulier débiteur et le ton narquois qu'il mettait à ses réponses commençaient à agacer le flegmatique receveur. Pourtant, monsieur, reprit-il sèchement, vous ne ferez croire à personne que vous êtes insolvable. Plus insolvable que Job, poursuivit imperturbablement Jean de Santenauge. Mais enfin, à votre âge et bâti comme vous l'êtes, on peut se procurer des ressources en travaillant. Comment vivez-vous? Une vive rougeur courut sur les joues bistrées du jeune homme. Monsieur, s'écria-t-il d'un air hautain, je n'ai pas de compte à vous rendre. Fort bien, répondit l'autre en s'animant de plus en plus. J'en suis désolé, mais nous irons jusqu'au bout. Vous êtes un délinquant d'habitude, et puisque les avertissements amiables n'ont pu vous convaincre, nous essaierons de la contrainte par corps. La prison vous fera réfléchir. Le jeune homme rejeta vivement son carnier sur ses reins et releva la tête en regardant M. Février droit dans les yeux. « Monsieur le contrôleur, » dit-il de sa voix vibrante, « Monsieur Jean de Santenauge, je suis un oiseau difficile à prendre. Prévenez vos gendarmes qu'ils rentreront bredouille. Et là-dessus, adieu. Non. Au revoir, cria méchamment le receveur, tandis que la porte se refermait sur le jeune homme. Dans le vestibule, Jean de Santenauge faillit se heurter contre un grand vieillard qui entrait en fredonnant et dans lequel il reconnut le médecin d'Aubrive, M. Brocard. Les deux hommes s'examinèrent un moment avec une sorte de curiosité bienveillante, puis tirèrent chacun de leur côté. Mazette, murmura Denis Brocard, voilà un bon brin de garçon. Et il contempla d'un air admiratif Jean de Santenauge qui s'éloignait d'un pas délibéré, le jarret bien tendu, le mollet nerveux et saillant, la taille cambrée, la tête haute et le feutre incliné sur l'oreille. Le docteur s'y connaissait, étant lui-même un beau brin de vieillard. Droit comme un peuplier, vert comme un houx, l'œil vif et aimé rayonné, le nez proéminent, la bouche largement fendue, spirituelle et souriante, le menton rasé de frais, l'oreille rouge, il avait conservé tous ses cheveux, toutes ses dents et portait gaillardement ses 72 années. Il était né vers 1780, au crépuscule du XVIIIe siècle, à cette heure encore illuminée et embrasée des feux qu'avaient jetés Voltaire, Diderot et Rousseau. Élevé dans les idées philosophiques d'alors, Denis Brocard était resté sensualiste jusqu'au moelle. L'encyclopédie était son évangile et Diderot était son homme. Né dans la montagne langroise, le docteur avait tous les défauts et toutes les qualités de ce peuple mi-champenois et mi-bourguignon, froid à la surface et incandescent à l'intérieur, dont Diderot disait « Les gens de ce pays ont beaucoup d'esprit, trop de vivacité, une inconstance de girouette. Avec une rapidité surprenante dans les désirs, dans les projets, dans les fantaisies, ils ont le parler lent. » Race raisonneuse et artiste, étourdi, entêté, enthousiaste et incrédule, dont Denis Brocard était un des plus purs échantillons. « Bonjour, mon oncle, » murmura M. Février en voyant le docteur entrer dans son bureau. « Serviteur, monsieur, » répondit Brocard. « Quel est donc ce superbe gaillard que j'ai rencontré à votre porte ? Vous ne le connaissez pas ? Voilà qui m'étonne, » dit malignement M. Février. « C'est pourtant un des plus signalés garnements du pays, le surgent de Sainte-Noge. Ah, il me semblait en effet l'avoir déjà vu quelque part. Je m'explique qu'on l'ait surnommé le Don Juan de Virloux. Avec cette figure-là, il doit tourner la tête à toutes les filles. Il ne la leur tournera pas cet été, je vous en réponds. Nous allons le loger quelques mois dans la prison de Langres. Cela lui rafraîchira le sang. Et pourquoi diantre tourmentez-vous ce pauvre garçon ? Apitoyez-vous, je vous le conseille. Un braconnier, ravageur de bois et coureur de guilledoux qui scandalise le canton et ne paye pas ses amendes. Après, que gagnerez-vous à traîner en prison le dernier représentant d'une des vieilles familles du pays ? Son père, l'ancien maître de forge de Virloux, était la meilleure patte d'homme. Cette bonne patte d'homme savait mal élever les enfants, à en juger par son fils. Quel grand crime a donc commis ce garçon ? Il a le sang vif et le coup d'œil juste. Il aime les femmes et le gibier. Voilà-t-il pas de quoi crier au scandale ? Oh, nous savons que vous avez la manche large, docteur Brocard. Cela vaut mieux que d'avoir l'esprit étroit, monsieur Février. Monsieur ! S'écria le receveur vexé. Il se serait fâché volontiers, mais remarquant la curiosité croissante du petit commis qui épiait les deux interlocuteurs en écarquillant démesurément les yeux, il l'envoya prudemment dehors, puis reprit d'un ton radouci « Brisons-la, mon oncle. Je ne suppose pas que vous soyez venu ici pour me quereller. Non, monsieur, je suis venu vous parler de ma petite nièce et filleule, de Marianne, votre fille, qu'il serait grand temps de rappeler à Aubrive. Mais rien ne presse, » répondit le receveur, dont la figure se rembrunit. Elle n'est pas mal chez ces dames dominicaines de Langres. Elle s'y ennuie à périr, et sa santé s'en ressent, riposta le docteur. Il passa rapidement la main sur sa bouche, geste qui lui était familier lorsqu'il allait entamer une longue discussion. « Monsieur, commença-t-il, quand il y a 20 ans vous êtes venu à Aubrive, je n'ai pas hésité à vous donner la main de ma nièce, bien que vous n'eussiez que vos maigres appointements de receveur, et bien que Claudine possédât une dot assez rondelette. Il ne vous sied guère de vous plaindre de la modicité de mes appointements, insinua M. Février avec humeur. N'est-ce pas d'après votre désir que j'ai renoncé à tout avancement pour me fixer à Aubrive ? La main de ma nièce était à ce prix, continua M. Brocard, et vous ne deviez bien cette compensation. Compensation ? Grommela M. Février. À vous entendre, on croirait que j'ai rendu ma femme malheureuse. Fit le docteur. Enfin, elle est morte, la pauvre enfant. Et je n'ai guère profité de la condition que je vous avais imposée. » Il passa de nouveau la main sur sa bouche et poursuivit. « Mais du moins, elle a laissé une fille que j'aime. Je tiens à ce qu'elle remplace sa mère près de moi, et je ne veux pas qu'on la laisse s'embéguiner dans ce couvent. Elle y complète son instruction. Jolie instruction, chanter des cantiques et dire des chapelets. Préféreriez-vous qu'elle lût vos mauvais livres, monsieur l'esprit fort ? Vous savez bien que mes occupations m'empêchent de surveiller une jeune fille, et Marianne n'est pas d'âge à rester seule au logis. » À 18 ans, mordieu, voulez-vous qu'elle marche encore avec des lisières ? Je suis seul au logis moi aussi, et je ne suis pas comme vous, d'humeur à me passer de compagnie. Faites revenir Marianne. » Cette injonction heurtait trop l'esprit absolu de M. Février pour ne pas le surexciter violemment. Il se mordit les lèvres, fronça le sourcil, et se tournant vivement vers le vieillard. « Permettez, » s'écria-t-il avec aigreur, « suis-je ou non le père de Marianne ? Vous le prenez sur ce ton ?» répliqua l'ombrageux Brocard. « Eh bien moi, je vous déclare net que j'ai besoin sur mes vieux jours d'avoir devant les yeux un visage jeune, frais et avenant, que je suis là de vivre à l'abbatiale en tête à tête avec la figure parcheminée de mon antique servante, et que si vous persistez à me priver de la société de ma filleule, je me marierai, mordieu, en dépit de mes 70 ans. J'épouserai une jeune femme dodue et appétissante, j'aurai des enfants, à mon âge on en a toujours, et vous pourrez faire votre deuil de ma succession. Ainsi, tenez-le pour dit, ou Marianne sera ici avant 8 jours, ou je me marierai, foi de Denis Brocard. Je vous jure que je ne plaisante pas, et que je suis homme de parole. » M. Février, déconcerté, regardait la figure du docteur à travers ses lunettes. Il lui trouva un air sérieux qui lui fit froid dans le dos. « Ce diable d'homme, songea-t-il, est capable d'exécuter sa menace. Il est entêté. Il a toujours un faible pour les jupes de femme. En plus, il ne serait pas fâché de me jouer un mauvais tour. » il faut s'attendre à tout avec ses cervelles langoises. De tous les arguments lancés par le docteur, le dernier était le seul qui put entamer la dure écorce de février. Le père de Marianne avait la réputation d'être très serré, très regardant, selon le mot du pays. À force de manier l'argent du trésor, il s'était épris d'un fervent amour pour les clairs écus sonnants et les fines pièces d'or bien trébuchantes. L'héritage du docteur Brocard avait toujours été considéré par le receveur comme une suraubaine. Dans ses rêves, il voyait verdoyer les beaux prés que Brocard possédait entre Arbaud et Rouvre et reluire la massive argenterie douillettement empaquetée au fond des armoires de l'abbatiale. La menace du docteur le rendit soudain plus traitable et amollit sa résistance. Il se gratta le front, enleva ses lunettes bleues dont il nettoya les verres avec un pan de sa redingote, puis, levant vers son interlocuteur ses paupières rougies par la lecture des actes, « Je suis accablé d'affaires, grogna-t-il, j'attends mon inspecteur, et ne puis pourtant tout planter là pour courir à Langres. »« Vous avez raison, » répondit le docteur en tournant le bouton de la porte, « mieux vaut que je me marie. »« Un moment donc, diable d'homme !» Au lieu de vous emporter comme une soupe au lait, si vous m'aidiez seulement à trouver quelqu'un qui chaperonnerait Marianne, car enfin elle ne peut revenir seule. Avez-vous peur qu'elle ne s'envole? Angélique Diderot, devenue depuis Madame de Vandeul, et dont j'ai eu l'honneur d'être le médecin, me contait souvent qu'à 18 ans, elle avait fait seule le voyage de Paris à Langres. En ce temps-là, les jeunes filles étaient autrement exposées qu'à présent. À quoi sert donc la pieuse éducation de vos couvents si une fille qui en sort ne peut, sans se compromettre, voyager seule pendant 6 lieues? Écrivez aux sœurs que tel jour elles devront la faire conduire par une béguine à la voiture de Bernard. Celui-ci sera prévenu et en 3 heures, Marianne sera ici. M. Février poussa encore pour la forme 3 ou 4 objections, puis finit par consentir et le docteur, enchanté de son succès, se retira en fredonnant un air de ses jeunes années, dont il scandait les paroles en heurtant sa canne contre les dalles du vestibule. « Vous savez donc bien mon dessein, petite bergeronnette, et quelles sont sur votre sein les fleurs que je souhaite. Allons au bois, brunette, allons cueillir la violette. » Le petit commis rentra, se percha sur son tabouret, reprit son registre vert et continua ses écritures en bâillant. M. Février se renfonça dans son fauteuil et se remit à débrouiller les clauses de son acte. Le noir bureau, peuplé de registres, redevint le temple du silence et du recueillement. Et de nouveau, le vent tiède apporta par la fenêtre ouverte la chanson des alouettes mêlée à la voix profonde du coucou dans les contes de la forêt.